open mic. Je sens que tu es en train de danser derrière ta guitare. Ah oui, oh c'est bon ça. Allez Mike. Pour pas grand-là, dis-le.